Chers amis, je préfère prendre un accent français pour déstresser un peu avant de continuer par la suite. Parce que les bonnes choses commencent. Les bonnes choses commencent et depuis là, depuis le début, tout ça là, c'était échauffement. Échauffement, niche, produit, tout ça là, tout le travail que vous avez fait. C'est chaque que vous êtes censé avoir la maîtrise déjà de tout ça. La maîtrise, genre, du bout des doigts de tout ça. Parce que c'est maintenant que les bonnes choses commencent. Puisque la description du produit, c'est ça qui va faire acheter vraiment le produit à la personne. C'est le contact qu'il y a entre vous et le client. C'est ce que la personne va lire, c'est ce qu'il va voir. Et la description, je pense que j'en avais déjà commencé à parler dans la généralité. Si vous faites un tour dans la généralité, il y a des éléments importants que j'ai dit dans la description, que j'ai dit par rapport à la description qui sont dans la généralité. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ça sera même comme si ça n'existe pas. Donc, vous êtes obligé, genre, de faire recours à la généralité pour l'écouter encore de façon minutieuse pour savoir ce que j'ai dit par rapport à la... à la description. Description, ce qu'on appelle encore fiche produit, hein. C'est la même chose. Donc, c'est une partie hyper vraiment longue. Très longue. Et donc, nous aurons trois dimensions de la description. La première dimension, j'ai voulu le faire d'abord en trois podcasts différents. Mais je me suis dit non, c'est mieux d'avoir tout par rapport à la description dans un seul podcast. Même si... ça ira à plus d'une heure et tout. Disons même deux heures, c'est possible. Donc, nous allons commencer. Nous aurons trois dimensions de la description. La première dimension sera, voilà, comme son nom le dit, l'optimisation des descriptions de produits. Et avec pour objectif ici, apprendre à rédiger les descriptions de produits persuasives et à utiliser les images et les médias pour améliorer en fait l'efficacité de cette description-là. Ça sera vraiment essentiellement, importantement, si ça existe bien sûr, pardon, la première dimension en fait de la description. Dans la deuxième dimension, nous allons parler en fait des différentes étapes de la description. De la description, ça évolue par cascade. Qu'est-ce qu'on a en premier? Qu'est-ce qu'on a en second? Comment vous devez agencer les informations pour que celui qui vous lise, à chaque fois qu'il est en train d'évoluer, toutes les réponses qu'il doit avoir. Parce que lorsqu'il vous lit, il a sûrement des questions en fait qui lui parviennent en tête, qui lui parviennent à l'esprit. Et donc, lorsque vous arrivez en fait à rédiger une description qui, lorsque les gens lisent, au fur et à mesure en fait, votre description répond aux questions, vous arrivez facilement à faire acheter le produit aux gens. Et c'est vraiment dans cette dimension de travail là que moi je veux que vous allez. C'est vrai, c'est pas facile d'y arriver, mais bon, il y a des étapes classiques, des étapes assez importante qu'il faut respecter, des étapes à suivre de façon minutieuse. Lorsque vous biaisez une étape, le processus, il est gâté. Et vraiment, c'est un exercice qu'on refait pour vraiment avoir la main. Donc, la deuxième dimension, voilà, comme je le disais, c'est les différentes parties de la description dans tous ces aspects. Depuis le titre, depuis le nom du produit, jusqu'au CTA, pour ne pas dire jusqu'au lien d'affiliation. Et dans la troisième dimension, nous allons parler du style rédactionnel. Ça sera un peu du français, ça sera un peu de l'image que nous allons envoyer, le professionnalisme en fait que nous devons observer par rapport en fait à la description de nos produits. Donc, quand nous commençons, dimension 1, module 5, toujours oui, module 5, dimension 1. L'objectif, je l'ai déjà dit, c'est apprendre en fait à rédiger les descriptions de produits persuasifs et à utiliser en fait des produits et à utiliser, pardon, des images et des médias pour améliorer l'efficacité de ces descriptions là. Alors, la première dimension là, nous allons la voir, disons, en deux leçons. Mais deux leçons qui ne sont pas quand même courtes, quand même. Dans la première leçon ici, ça sera axé sur la rédaction de descriptions de produits persuasifs. Déjà, dans un premier temps, vous devez comprendre le public cible. Parce qu'avant de rédiger une description de produit, en fait, il est vraiment essentiel de comprendre les besoins et les désirs de votre public. Comme on a dit, depuis le choix du produit, c'est une suite, hein? Vous allez voir que ça se dessine. C'est une suite. On a trouvé des produits en haut là-bas. On a parlé des produits. On a parlé, genre, on a identifié les besoins. On a vu que si on a choisi ce produit, c'est que ça répond à un besoin particulier. Enfin, si on a bien sûr choisi la stratégie de trouver en fait ces produits ou bien de recommander ces produits, si on se base sur les commentaires, les avis et non les best-sellers. Et donc, comme je le disais, pour vraiment rédiger, pour comprendre le public, si vous devez d'abord rédiger une description de produit. Et vraiment, il est essentiel de comprendre en fait les besoins et les désirs de votre public. Par exemple, si vous ciblez les amateurs, par exemple, de fitness, hein, si vous ciblez ces amateurs-là, vous devez mettre en fait en avant les avantages de ce vélo d'appartement pliable. C'est une suite. Nous allons toujours prendre l'exemple que je prends depuis l'euro. Vous devez mettre en avant les avantages de ce vélo d'appartement pliable-là, genre pour leur santé et pour leur confort. Pour leur santé et pour leur confort. C'est sur ce axe-là que vous allez vous appuyer pour ces amateurs, si éventuellement c'est eux que vous visez. Lorsque c'est un autre public que vous visez, vous allez vous accentuer sur d'autres avantages, sur autre chose. Pourquoi? Parce que les descriptions de produits en fait qui vont répondre spécifiquement en fait aux besoins de votre public cible sont susceptibles de générer des conversions. Parce que si vous rédigez une description, c'est la description qui va faire genre qui va faire convertir en fait la personne. C'est la description, c'est ce que la personne a lu. Est-ce que c'est vraiment le produit qu'il veut? Qu'il va lire les avantages du produit, qu'il va lire les caractéristiques du produit, qu'il va lire les avantages que ce produit-là a sur sa vie, le temps que ça peut lui faire gagner, tout ça. C'est ça qui va faire en fait que ce prospect-là, il va passer de prospect à client. Et donc vous pouvez utiliser en fait l'émotion parce que pour susciter en fait l'intérêt, vous devez utiliser en fait des mots et des phrases. Émotionnellement, pardon, persuasif. Et de ce fait, par exemple, au lieu de simplement décrire les caractéristiques genre d'un produit, vous pouvez expliquer comment ce produit-là, il va améliorer la vie de l'utilisateur. Simplement. Parce que, vous savez, les descriptions qui sont... Parce que, bon, tout le monde n'a pas cette vision-là de la description. Moi, c'est... De mon expérience, c'est mon expérience en fait que j'ai retransmis en fait dans ce podcast, que j'ai retransmis en fait dans cette formation. Vous voyez? Parce que on demande tout simplement genre, de rédiger des descriptions, voilà, de façon machinale, automatique. Mais moi, je pense que lorsque les rapports homme à homme sont naturels, lorsque ça passe, lorsque c'est vraiment naturel, je pense que la conversion, elle marche plus. Moi, je l'ai essayé et puis vraiment, ça marche vraiment. Au lieu de rédiger une description, on te dit, voilà, genre, tu vas trouver les éléments là, ici. Genre, tu mets ça, après tu mets ceci, après. Non, non, non, non. Faut vraiment de l'émotion. Parce que les descriptions qui sont vraiment émotionnelles là, elles vont créer un lien plus profond avec le client. Et ça va vraiment les inciter en fait à passer à l'action, à acheter votre produit. Parce que le e-commerce, en vrai, c'est de la psychologie. Vous devez agir sur la psychologie des gens. Comment vous allez faire en fait pour pouvoir faire acheter un produit peut-être qui n'a aucun avantage, qui n'a aucune valeur, qui n'a rien, si vous trouvez en fait le bon mot, vous allez le faire vendre aux gens. C'est un peu comme vous avez un bidon d'eau, la personne a soif. Et vous devez tellement être bon en description que vous êtes capable genre, de faire vendre une bouteille d'eau vide à quelqu'un qui a soif. Vous lui remettez la bouteille vide, genre, vous lui vendez ça. C'est carrément un autre niveau de la description en fait. Et c'est ce que moi je vous souhaite. Et je pense que vous allez quand même y arriver. Vous allez y arriver. Donc voilà. Et par rapport à la mise en avant des avantages clés, À ce niveau, en fait, vous devez tout simplement identifier les avantages uniques du produit hein, que vous voulez promouvoir. Par exemple, si vous faites par exemple la promotion d'un aspirateur et vous n'allez pas tout simplement vous contenter de dire que genre, il aspire bien. Non, c'est trop juste, c'est trop effort minimum quoi. Sinon, c'est le minimum en fait qu'on peut dire. Est-ce que ça c'est même le minimum? C'est même moins que le minimum en fait qu'on puisse dire. Vous devez expliquer comment il va simplifier le nettoyage de la maison et économiser du temps à la personne. C'est comme ça que vous devez vous prendre pour pouvoir faire vraiment acheter ce produit-là à la personne. Parce que si vous mettez en avant les avantages spécifiques, si vous mettez en avant ces avantages spécifiques-là, vous allez voir, vous allez dire en fait comment ça aide les clients à comprendre la valeur du produit. Parce que mettre en avant les avantages spécifiques genre d'un produit, comme par exemple, je l'ai dit, genre l'aspirateur, ça va leur simplifier le nettoyage de la maison, leur économiser du temps, ça va forcément. Genre, c'est que lorsque vous mettiez ça en avant, ça va les aider en fait à vraiment comprendre la valeur de ce que vous leur proposez comme produit. Ça leur permet genre, de voir l'importance du produit. Donc, plus le produit est important, plus ça les aide. Et ils vont prendre. Ils vont même plus se poser des questions en fait. Ils vont prendre le produit. Ils vont acheter. Même si le produit n'était pas un best-seller. Même si le produit n'était pas, n'a pas fait l'objet d'assez d'avis ou de commentaires. Vous avez vu un besoin. Vous avez agi sur ce besoin-là. Et vous avez fait la promotion de votre produit. Pas de raison pour que ça ne marche pas si vous avez eu les bons mots en fait, pour pouvoir proposer en fait, ce produit-là à la personne. Et donc, par rapport à l'utilisation d'images et de médias pour améliorer les descriptions, vous devez privilégier les images vraiment de haute qualité. Donc, inclure tout simplement les images nettes et de haute résolution du produit sous différentes angles. Parce que lorsque nous allons rédiger en fait notre description, nous n'allons pas tout simplement nous contenter de rédiger. On va forcément ajouter des photos du produit et des photos du produit qui sont prises sous différentes angles. Par exemple, si vous vendez par exemple des montres, vous devez montrer genre, ces montres-là au poignet pour donner en fait au client une idée précise de l'apparence. Vous devez montrer cette montre-là, vraiment montrer le cadran, montrer, je sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est en cuir, est-ce que c'est en fer, c'est en aluminium, c'est en diamant, c'est en or. Vous devez vraiment montrer le produit genre, dans tous ses aspects. Le maximum d'informations. Il faut que vraiment les images que vous mettez, genre, le client, quand il voit en fait ces images-là, c'est comme s'il a le produit devant lui. Vous voyez, donc, il va vraiment plus hésiter. Il a directement une idée en fait de ce qu'il est en train d'acheter, de ce qu'il est sur le point de vouloir acheter. Parce que les images de haute qualité, vous pouvez prendre des images de faible qualité, vous allez voir. Vous n'allez pas faire de vente. Parce que la personne va se dire, comme je l'ai dit en généralité, vraiment vous devez être professionnel, vous devez. Les trucs doivent être bien lisibles, bien visibles aussi. Bien lisibles et bien visibles aussi. Ouais, donc une image qui n'est pas claire, qui est floue, ça va pas. Ça diminue en fait le taux de confiance du client. Il va dire, vraiment, c'est un site professionnel qui fait ça. Honnêtement, moi je préfère me retirer. Parce que comment il peut faire des trucs comme ça? Je ne vois même pas bien ce que je vais acheter et puis je vais mettre mon argent. Ça ne marche pas. Ouais, c'est vous qui êtes en train de perdre à ce niveau. Parce que pourquoi vous devez privilégier des images de haute qualité? Parce que ça va forcément renforcer la crédibilité en fait de votre site. Ça va renforcer la crédibilité de votre site et ça va aider en fait les clients à se sentir plus à l'aise pour acheter le produit. Parce qu'on sera vraiment mal à l'aise si on n'a pas des photos claires du produit. Imaginez, vous voulez acheter une télévision. Vous voyez des photos, la télévision elle est floue, vous ne voyez pas bien quel est le nombre de trous, quel est le nombre de fiches que ça prend, vous ne voyez pas bien, genre c'est combien de pouces. Vous serez forcément gêné. C'est la même chose en fait ici. Vous pouvez aussi mettre des vidéos explicatives si possible, hein. Vous ajoutez des vidéos de démonstration du produit. Par exemple, pour un appareil de cuisine, genre, vous pouvez montrer comment il est utilisé, genre, pour cuisiner un plat délicieux, simplement. Parce que les vidéos, elles peuvent vraiment aider à dissiper les doutes et à montrer clairement le produit, en fait, genre, dans toutes ses fonctionnalités. Oui. Dans tous ses aspects, sous tous ses angles, et même des angles, en fait, où peut-être la photo n'a pas pu montrer en vidéo, on peut vraiment avoir ça. Et puis, on se sent beaucoup plus à l'aise lorsqu'on regarde une vidéo que c'est une photo. par rapport aux infographies formatives, informatives, vous devez tout simplement créer des infographies qui mettent en évidence les caractéristiques clés du produit. Par exemple, pour un smartphone. Et vous pouvez par exemple créer une infographie qui montre la capacité de la batterie, la taille de l'écran, la puissance du moteur ou bien du processeur, tout simplement. Parce que les infographies sont faciles à comprendre en un coup d'œil. Et ça aide vraiment les clients en fait à prendre une décision d'achat éclairée. Oui. Prenons un exemple concret. Prenons l'exemple de Lisa. Lisa est une e-commerçante aussi. Tout comme Sarah dans mes exemples en gros, comme Sarah et John. Et maintenant, c'est Lisa. Ça sera connu après. Prenons l'exemple de Lisa. C'est une e-commerçante Amazon et elle fait la promotion des appareils de fitness à domicile. Maintenant, elle rédige en fait une description pour un tapis de yoga de haute qualité. Hein. Maintenant, dans sa description, elle commence à expliquer comment ce tapis est spécialement conçu pour offrir un excellent soutien pendant les séances de yoga. Donc, en réduisant la pression sur les articulations. Et elle utilise des mots tels que confort exceptionnel, durabilité à long terme, pour pouvoir susciter l'intérêt du prospect. Oui. Du coup, elle inclut également une infographie montrant les dimensions du tapis, son épaisseur, les matériaux de fabrication. Est-ce que c'est en plastique? Est-ce que c'est en coton? Est-ce que c'est du plexiglas? Est-ce que c'est en bois? Elle me dit tapis en bois, est-ce que ça existe? Bref, vous voyez, vous comprenez un peu ce que je vais dire quand je parle de matériaux de fabrication. Et elle conclut en mettant en avant la livraison rapide et le service client réactif d'Amazon. On se comprend? Cette description là, par exemple là, c'est pas encore complet, il n'y a pas encore tout, c'est pas dans les détails, mais les points les plus essentiels, ils sont quand même. Ils y sont. Parce que cette description là, elle est complète, disons elle est complète et convaincante. En plus, associé à des images de haute qualité du tapis de yoga sous différents angles, vraiment, ça offre une expérience d'achat rassurante vraiment pour les clients intéressés par le yoga à domicile. Ouais, donc, celle-là n'a pas vraiment de raison de ne pas chiffrer, de ne pas avoir des ventes par rapport en fait à son produit là. Donc, on pourrait dire en fait ici que en développant chacune de ces leçons de la dimension 1 là, genre de cette manière, vous avez vraiment une base solide pour optimiser en fait vos descriptions de produits en affiliation. Parce que là maintenant, avec ce podcast, avec ceci, je vous ai déjà donné des repères et des éléments indispensables sur lesquels vous devez, vous pouvez vous appuyer pour rédiger genre de belles descriptions. C'est vrai, ce n'est pas encore dans la dimension de où on va voir les différentes parties, mais là, vous avez déjà les éléments les plus importants. Vous avez les éléments sur lesquels on peut et axer ces efforts sur lesquels on peut concentrer les efforts pour quand même faire des ventes. Ce n'est pas rien. Vous êtes déjà dans le vif du sujet. Et déjà de là, vous pouvez déjà vous arrêter et déjà commencer en fait à faire des exemples avant de passer à la dimension 2 de la description en fait dans tous ces détails. Parce que c'est ça vraiment qui va augmenter vos chances de générer des revenus, hein. Et de convertir vraiment les gens et de maximiser vos revenus genre, sur le long terme. Parce que chaque leçon, en fait, elle est conçue, genre, elle est un peu plus approfondie et vraiment digne d'une longue session. Et moi, ce que je vous conseille même, c'est genre, d'arrêter le podcast ici et puis d'identifier les éléments. Par exemple, j'ai donné quelques éléments dans la description. Commencez déjà en fait par vous saisir en fait par ces deux ou trois petits éléments. Parfait, genre des descriptions un peu comme Lisa, genre à mettre les éléments là. Et puis vous allez voir, genre vous prenez d'abord la main. Comment on peut rédiger ceci? Quels sont les termes qu'on utilise le plus souvent? Quels sont les mots qui doivent revenir à la fin de ma description? Qu'est-ce qu'il y a? Etc, etc, etc. Donc vraiment vous prenez tout ça et vous commencez genre un peu, genre vous pouvez écouter vous dites oh, à cette partie on fait ceci, on fait cela, on fait cela, j'en suis un bout de temps, Et lorsque vous avez la stratégie maintenant du bout des doigts, c'est facile. Parce que lorsque vous allez maîtriser en fait ces procédés-là, énumérer ici, la dimension 2 sera beaucoup plus facile pour vous. Elle sera beaucoup plus facile. Parce que vous avez la main ici. Et quand je dis la main ici, il faut juste entendre que c'est les parties les plus importantes. Vous savez déjà comment les faire. Vous pouvez les faire et puis me les envoyer et puis je vais critiquer. Mais il faut quand même intégrer les corrections. Très important. Donc, l'objectif en fait de cette première dimension, c'est de vous apprendre à rédiger des descriptions de produits persuasifs et à utiliser des images et des médias pour améliorer l'efficacité de vos descriptions. Images et médias, pas besoin d'en ouvrir là-dessus. Mais quand nous sommes sur la rédaction des descriptions de produits, je pense que vous avez quand même déjà les éléments. Comprendre le public cible, l'utilisation de l'émotion, la mise en avant en fait, des avantages clés. C'est déjà des points sur lesquels vous pouvez déjà commencer à travailler. C'est déjà des points sur lesquels vous pouvez déjà commencer en fait, à trouver des arguments, des exemples qui vont vraiment vous aider en fait, à prendre de l'ascendance sur vos concurrents, à vraiment discuter en fait, avec les clients. On se comprend? Si on se comprend, c'est bon. Voilà ce qu'il faut, ce qu'on peut retenir par rapport en fait à la dimension 1 de la description. Nous allons rentrer directement dans la dimension 2, qui est les différentes étapes, step by step, de la description. Armez-vous, trouvez un truc à manger parce que ça fait partie en couille. Let's go, dimension 2. Dans la dimension 2, dans la première partie, nous allons lister dans un premier temps les 8 étapes, oui, ces 8 étapes-là, pour créer une description, ou bien pour créer une fiche produit. Alors, ces 8 étapes-là, je vais vous demander genre, de noter ça vraiment quelque part et tout. Je vais aller vite, assez, donc vous allez faire pause à chaque fois pour noter. D'abord, nous aurons d'abord, et pour commencer, naturellement, le nom du produit. En point numéro 2, nous aurons l'introduction. Point numéro 3, nous aurons les caractéristiques clés. En point numéro 4, on a avantages et avantages. Je me répète, on a avantages et avantages. Point numéro 5, utilisation et application. Point numéro 6, nous avons témoignage ou avis. Point numéro 7, nous avons comparaison avec d'autres produits. Point numéro 8, appel à l'action. C'est assez vite. Ça, en quelques secondes, je viens de vous dire le travail qu'on fait en des heures, voire même des jours, en quelques secondes, c'est tout ça. Alors, quand nous parlons d'abord du nom du produit, qu'est-ce qui se passe au niveau du nom du produit? D'abord, dans un premier temps, je vais rapidement énoncer ce qui se fait de façon globale par rapport en fait, à ces 8 points-là. Ensuite, je vais vous fournir un développement assez détaillé genre, de chaque point de la description. Et maintenant, pour finir, je vais quand même vous donner des astuces pour améliorer la description de chaque partie. Ici, je ne suis pas obligé genre, de vous donner en fait, ces astuces-là. Mais je vous les donne pour que vous ne soyez pas bleu ou bien que vous ne rédigez pas des articles totalement HS. Parce qu'on lit aujourd'hui des descriptions des fiches de produits, par exemple, on dit à la personne, la partie que tu as fait au niveau des caractéristiques clés là, ce n'est pas comme ça, ça se fait. Lui, il vous dit, caractéristiques clés, oui, mais genre, vous me dites caractéristiques clés, alors c'est quoi vous mettez dans caractéristiques clés? Si je dis, par exemple, un exemple, je dis caractéristiques clés, genre de ce casque. Redige-moi la partie caractéristique clé. Il me dit, ah oui, ce casque-là, le casque, genre, ça a telle autonomie. Le casque-là, genre, c'est beau. Le casque-là, c'est inoxydable. Alors que ce n'est pas ça, en fait. Faut pas vraiment... Il faut... Les expressions se ressemblent. Et elles n'ont pas toujours le même sens que le français normal. Donc, voilà. Faut vraiment faire attention à ce truc-là. Le nom du produit... au niveau du nom du produit, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez tout simplement par identifier genre, le nom du produit que vous souhaitez décrire. Le nom du produit tel qu'il est sur Amazon. Le nom du produit tel qu'il est sur Amazon. Lorsque vous êtes là-bas et puis genre, vous prenez par exemple un produit. Vous avez vu le produit, vous connaissez là le produit en fait que vous voulez promouvoir et tout, hein. Le nom du produit là, j'entends que c'est écrit là-bas. C'est ça que vous remettez d'abord ici. On commence par là, le nom du produit. Donc vous commencez par identifier le nom du produit que vous souhaitez décrire. Ensuite, dans l'introduction au point 2, qu'est-ce qu'on fait? On introduit brièvement le produit en mettant en avant les caractéristiques principales et son utilité. Écoutez bien, introduction. Vous introduisez brièvement le produit en mettant en avant ses caractéristiques principales et son utilité. Caractéristiques principales. Je l'ai répété parce que je sais que 99% en fait des personnes gens qui m'écoutent vont faire cette erreur-là. Vont toujours faire cette erreur-là. Parce que ils vont faire cette erreur parce que vous allez confondre caractéristiques principales avec d'autres types de caractéristiques. Donc, dans l'introduction, on a la caractéristique principale. Dans le troisième point, la caractéristique clé. Ici, vous mettez tout simplement en évidence les caractéristiques spécifiques du produit, telles que sa taille, sa couleur, ses matériaux, ses fonctionnalités, etc. Vous voyez, à ce niveau-là, on peut déjà confondre les caractéristiques spécifiques aux caractéristiques principales. On peut déjà confondre. Il ne faut pas confondre les deux. Les caractéristiques principales, elles sont au maximum 3. On ne liste pas plus de 3 caractéristiques principales dans l'introduction. Maximum 3. Les spécifiques, les caractéristiques spécifiques, vous pouvez développer autant que vous voulez. Mais quand même, il ne faut pas dépasser 6 ou maximum 7. Vraiment, c'est la limite à ne pas dépasser. Parce qu'une description aussi trop kilométrique, les gens ne lisent pas ça. Parce que, comme je vous l'ai dit en haut, les gens, ils n'ont du tout pas le temps. Honnêtement, genre, tout ce qui va vraiment faire gagner du temps en fait, aux gens, c'est ça. Le client en fait, va chercher. Vous voyez? Donc, caractéristique clé, c'est mettre en fait en évidence les caractéristiques spécifiques de ce produit-là. Telle que sa taille, sa couleur, les matériaux, les fonctionnalités, etc. Point numéro 4. Avantages et avantages. Déjà, vous remarquez déjà qu'au niveau de l'introduction et des caractéristiques clés entre le point 2 et le point 3, il y a déjà une liaison. Caractéristiques principales, caractéristiques spécifiques. Qu'est-ce qu'on appelle caractéristiques principales? Qu'est-ce qu'on appelle caractéristiques spécifiques? Il faut faire la différence entre ces deux-là. Et l'astuce pour réussir ça, en fait, c'est d'abord de passer au brouillon avant de venir faire la description. Vous prenez le produit, vous identifiez 10 caractéristiques. Vous prenez les 3 principales, les 3 que vous jugez vraiment et les plus importantes, les 3 que vous jugez vraiment les plus pertinentes, vous les classez en haut. C'est ça qui est caractéristique principale. Il faut vraiment s'atteler, il faut vraiment faire l'exercice pour pouvoir le réussir parce que des fois, vous allez choisir des caractéristiques, mais qui ne sont pas principales, c'est des spécifiques. Or, le but, c'est que la personne, il lise vraiment les plus importants, genre des plus importants ou moins importants. Maintenant, si vous avez mal fait la sélection, vous mettez les moins importants, il va zapper. C'est pas ce qu'il cherche. Alors que c'est vraiment ce qu'il cherche, mais que vous l'avez mis en bas, il ne va pas trop lire, lui va survoler. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, à ce niveau, il faut vraiment être très, très, très attentif. Point numéro 4, avantages et avantages. Vous devez expliquer en quoi le produit peut améliorer la vie de l'utilisateur dans un premier temps. Et dans un second temps, vous devez expliquer comment ce produit résout un problème ou répond à un besoin. C'est du français, c'est compliqué. C'est deux choses différentes. Avantages et avantages. Avantages et avantages. Le premier avantage, c'est quoi? Le second avantage, c'est quoi? Il y a un avantage qui est l'avantage du produit. Et il y a un autre avantage qui est avantage du produit, j'en suis la vie du prospect ou bien du futur client ou du client même si vous voulez directement. Donc, il y a expliqué en quoi le produit peut améliorer la vie de l'utilisateur. Donc, premier avantage, quel est l'avantage que ce produit-là a sur la vie du client ou bien a dans la vie du client? Et le second avantage, c'est l'avantage du produit lui-même. C'est deux choses différentes, mais ça se ressemble. Et si vous mélangez les pédales, c'est grave. Et pour ne pas mélanger les pédales, c'est de l'exercice. c'est de l'application. C'est beaucoup d'exercices, c'est beaucoup c'est beaucoup de travaux quand même à faire. De toute façon, ça sera encore développé un peu plus bas, plus ou moins c'est des explications assez globales. En point numéro 5, nous avons l'utilisation et l'application. À ce niveau, il conviendra tout simplement de décrire comment le produit peut être utilisé et dans quelle situation il est plus efficace. Décrire comment le produit peut être utilisé et dans quelle situation il est le plus efficace. Oui, tiens, tout se ressemble. Tout se ressemble. On peut s'embrouiller facilement. On peut mettre, on peut mélanger les pédales, mettre INS à la place de Y, Y à la place de 7, etc. Point numéro 6, les témoignages ou avis. Si possible, vous devez inclure des témoignages de clients satisfaits ou des avis positifs sur le produit. 7, comparaison avec d'autres produits. Présenter des avantages uniques de votre produit par rapport en fait à d'autres options sur le marché, par rapport à d'autres produits sur le marché. Pourquoi vous voulez en fait que le client achète un téléphone Infinix RAM 3 plutôt que d'acheter un téléphone Infinix RAM 2? Ou bien pourquoi vous voulez qu'il achète un téléphone Infinix que d'acheter un téléphone Samsung? Vous devez faire cette comparaison-là avec d'autres produits. Même si le produit en fait, avec lequel vous le comparez est plus performant, c'est à vous de trouver les bons mots, ou bien les bons flots, pour lui prouver en fait, que le produit que vous êtes en train de lui proposer vraiment est le meilleur du marché. Est meilleur en fait, que d'autres produits. Et pour la petite astuce, on ne compare pas un produit avec plus de 3 autres produits. Non, limite, on s'arrête à 2. Et pour finir, on a l'appel à l'action. L'appel à l'action, vous devez forcément terminer en fait en encourageant le prospect en fait à prendre des mesures, que ce soit en achetant votre produit ou bien en demandant plus d'informations ou en visitant votre site. Ça dépend de l'objectif de votre publication. Mais ici, nous sommes dans la description. Donc, l'appel à l'action ou CTA, call to action, comme on l'appelle en anglais, généralement on dit CTA. C'est plus rapide. C'est l'appel à l'action. Faut lui demander, genre, en quelques mots, ou bien même en un seul mot, d'effectuer l'achat, d'acheter, de faire le pas. Et donc, vraiment, ces 8 étapes-là ne sont pas mélangées. Vous savez, dans d'autres formations, d'autres pourraient dire que, voilà, la description de la fiche produit, on peut à faire en 9 étapes, d'autres vont vous dire en 5, d'autres fois vous dire en 15, c'est vraiment variable. Mais en fait, il faut qu'il y ait une cascade d'informations. Moi, j'ai vraiment essayé de mettre les trucs de façon à ce que vous compreniez bien. Vous voyez, genre, chaque chose est à sa place. C'est deux choses que j'ai mis ensemble. Avantage et avantage pour que vous puissiez vraiment faire la différence entre ces avantages-là. Parce que les deux se chevauchent. L'un peut passer avant l'autre, peu importe l'ordre, hein. L'un peut passer avant l'autre. Mais vraiment, c'est à mettre ensemble parce que vous allez garder ça plus facilement. Si je vous dis avantage, par exemple, du produit, et je vais vous dire encore dans un autre point, avantage du produit dans la vie du client, vous n'allez pas forcément garder. Mais si je vous dis avantage et avantage, ça, genre, vous gardez ça directement à l'esprit. Et puis après, avec quelques instants de réflexion, le temps de réaction, c'est une seconde, avec quelques instants, quelques secondes de réflexion, vous allez rapidement vous dire, ah, vraiment, on dit avantage, avantage, oui, mais il y a un avantage qui est l'avantage du produit, et il y a un autre qui est l'avantage du produit, en fait, dans la vie du client. On se comprend. Après, j'ai mis utilisation et application. C'est deux choses différentes, ben vous allez voir réellement, en fait, comment ces deux choses se font. C'est deux choses différentes, mais elles se ressemblent, c'est pour ça que j'ai mis ça ensemble, utilisation et application. D'autres vous disent, on peut vous dire, bon, pour les personnes novices, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ils vont vous dire, c'est quoi l'utilisation du produit? Genre, comment se fait l'utilisation du produit? D'autres vont vous dire, c'est quoi, comment se fait l'application du produit? Ah non, c'est pas les mêmes choses, c'est des choses totalement différentes. Si on ne vous dit pas ça, vous ne saurez jamais. Si on ne vous dit pas qu'il y a cet ordre-là, il y a tout ce processus, un ordre, pas cet ordre toujours de cascade à respecter. Pour la description, je vous assure que vous ne pouvez même pas rédiger une fiche produit pour pouvoir en fait faire une vente. C'est pas possible. Donc vraiment, en suivant cette étape-là, vous allez créer une description complète et persuasive vraiment pour votre produit. Donc, dans un premier temps, je pense que vous avez les 8 étapes-là. Tout ce que les explications que j'ai données, vous devez déjà les maîtriser. Par cœur, les maîtriser du bout des doigts. Ça va être de l'application, ça va venir. Mais il faut déjà commencer, même pas les bûchers. Limite les bûchers. Écrire ça quelque part pour savoir, ah, quand je viens à cette étape, c'est ce que je dois faire. Parce que vous pouvez tout le temps ne pas avoir votre ordinateur ou votre téléphone là, et puis genre, vous pouvez être en train de réfléchir sur la description d'un produit. Moi, que je sois au WC, que je sois aux toilettes, bon, WC, toilette, c'est la même chose, sous la douche, à l'église, en train de prier, même lorsque je suis en train de vous faire, par exemple, ce podcast, moi, je réfléchis en fait à des descriptions, je réfléchis en fait à des éléments que je vais mettre dans les fiches de mes produits plus tard. D'ici quand je vais finir mon podcast, par exemple. Je réfléchis déjà là-dessus. Et donc, si vous devez réfléchir là-dessus, c'est entendu que vous maîtrisez en fait déjà les différentes parties. Les parties se ressemblent et puis il ne faut pas les mélanger. Oui, donc je vous conseille encore genre, de prendre une pause, de mettre les explications que je viens de donner, genre, ces explications brèves là, quand je prends le nom du produit, qu'est-ce que je fais, quand je prends ceci, parce que lorsque vous allez rédiger une fiche produit, vous allez venir me voir, vous allez me dire, ah, voilà ce que j'ai rédigé, lorsqu'il y aura une partie qui sera mal faite ou bien, lorsque je vais remarquer qu'il y a il y a un mélange, je vais vous demander, cette partie-là dit quoi? Si vous n'êtes pas en mesure de me le dire, je ne peux pas vous aider parce que le minimum est de maîtriser d'abord ce qu'on a donné d'abord avant de passer à la pratique. Maintenant, je vais vous donner un développement vraiment plus détaillé. Un développement plus détaillé pour que vous compreniez un peu de quoi il est question. Parce que, au niveau par exemple du nom du produit, comme je l'ai dit, vous indiquez clairement le nom du produit que vous souhaitez présenter. Un exemple, le produit c'est tondeuse à gazon électrique turbo cut 3000. Tondeuse à gazon électrique turbo cut 3000. C'est un exemple, c'est le nom du produit. Tout simplement, ça sera le nom du produit. En introduction, on a dit de présenter le produit de manière succincte. En mettant en avant ses caractéristiques marquantes, les plus marquantes, c'est-à-dire principales. Marquantes ou les plus principales, c'est la même chose. Et donc, à ce niveau, vous devez utiliser un langage captivant pour attirer l'attention du lecteur. Si vous n'utilisez pas un langage qui attire, ça fausse. Parce que la personne, il va voir le nom du produit, oui, mais en fait, il faut déjà l'attirer. Vous devez dire, ah, viens, viens, viens. Et puis le viens là, c'est à travers ce langage captivant. Donc, c'est à vous de trouver la formule. Il n'y a pas de formule consacrée pour chaque partie. C'est à vous de trouver la formule, de trouver le bon lexique qui va avec le public que vous ciblez pour les attirer. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est un langage de jeunes qu'il faut utiliser? Quels sont les mots qui vont faire que celui-ci-là, vraiment, il sera vraiment intéressé en fait par ce que je vais dire? Quels sont les mots forts que je peux mettre en fait dedans pour l'attirer rapidement? Genre pour qu'il puisse lire quand même ce que j'ai rédigé. Et donc, un exemple, toujours par exemple, par rapport à notre tondeuse, un exemple, c'est découvrir la révolution dans le domaine de la tonte de pelouse avec notre tondeuse à gazon électrique turbo cut 3000. NB, entre parenthèses, je vais vous notifier un truc. Dans toutes les parties de la description, il faut toujours relancer le nom du produit. Le nom du produit doit toujours revenir, toujours, tout le temps. Voilà. Donc, découvrez la révolution. Révolution, qu'il y a un mot fort, captive, dans le domaine de la tonte. J'ai encore une révolution, c'est quoi? C'est que on laisse toute une manière de faire qui existait. Et on entre maintenant, on a maintenant une nouvelle façon, genre, de faire. On a une nouvelle manière de tondre la pelouse. Et donc, comment je dis, découvrez la révolution dans le domaine de la tonte de pelouse. Mais la personne s'est dit, waouh, attends, il veut me proposer quoi? C'est quoi, c'est un robot qui va tondre ma pelouse, c'est quoi? Alors que c'est juste une tondeuse. Tout simplement, genre comme les autres. Tout est question des mots que vous allez placer en fait à chaque niveau, à chaque endroit. Et je continue. Découvrez. Oui, bon, je reprends l'exemple complet pour que vous puissiez percevoir correctement, parce que c'est pas encore fini, hein. Découvrez la révolution dans le domaine de la tonte de pelouse avec notre tondeuse à gazon électrique Turbo Cut 3000, figure. Conçue pour rendre l'entretien de votre jardin plus facile et plus efficace que jamais. Parce que vous savez, on a dit aux gens, on a dit à la personne, ah, il y a une révolution. Maintenant, il faut leur préciser le pourquoi. Ou bien, il faut leur dire, ah, en quoi ce produit-là est vraiment utile. Ou bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est conçu pour quoi? Ça veut faire quoi? Pourquoi il y a une révolution? C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour uniquement, c'est pour seulement tordre ma pelouse? Non. Ici, j'ai précisé que c'est pour rendre l'entretien plus facile. Donc, c'est pas comme si j'étais déjà venu apporter quelque chose. Non. Je suis venu encore plus faciliter le truc. Vous voyez? Plus facile et rendre l'entretien plus efficace. Quand nous prenons les caractéristiques clés, on a dit quoi? Il faut mettre en évidence les caractéristiques spécifiques du produit qui le distingue. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vous demande d'énumérer les caractéristiques spécifiques du produit qui le distingue là, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? On vous demande tout simplement de mettre en avant les détails techniques pertinents du produit. Les détails techniques pertinents, c'est pas tout le détail technique. Il y en a, lorsque vous allez trop mettre, les gens ne vont pas comprendre, ils vont s'embrouiller et tout. Donc, vraiment, les détails techniques pertinents du produit. Exemple, la tondeuse à gazon électrique Turbo Cut 3000 est équipée d'un puissant moteur de 1500 watts. Ça, c'est vraiment un détail technique que moi, je trouve important. La capacité du moteur. D'une largeur de coupe ajustable de 40 à 50 cm. La partie qui est au sol là, elle mesure combien? La partie qui fait le boulot, elle mesure en fait combien de centimètres? C'est important. Si c'est trop petit, c'est pas la peine. Oui, c'est des indices quand même qu'il faut donner en fait aux clients, qu'il faut donner en fait aux prospects, qui vont lui permettre de savoir que oui, ce produit là vraiment c'est un produit qui est venu révolutionner. 40 à 50 cm. Et deux bacs de ramassage de 60 litres garantissant une tonte rapide et propre. Caractéristique clé, c'est tout. Au niveau de avantages et avantages, je vous ai déjà dit que le premier avantage, en tout cas, l'un dans l'autre, hein, l'un avant l'autre, peu importe, ça ne gêne pas. Vous expliquez comment les caractéristiques du produit apportent un avantage concret à l'utilisateur ou bien dans la vie de l'utilisateur. Et dans un second temps, vous allez mettre maintenant en évidence les problèmes que le produit résout. Les problèmes que le produit résout ou bien les avantages du produit, c'est la même chose. Mais c'est différent des avantages du produit sur la vie. Mais dans la vie du client. Exemple, moi j'ai fusionné les deux. Exemple, gagner du temps précieux grâce à la tonte rapide et sans effort en fait par notre tondeuse Turbo Cut 3000. Ensuite, son système de ramassage haute capacité vous évite de vider le bac fréquemment, simplifiant ainsi l'entretien de votre pelouse. Selon vous, parmi ces deux, dans cet exemple-là, je vous ai dit que j'ai fusionné. Qu'est-ce qui est l'avantage du produit dans la vie du client et qu'est-ce qui est l'avantage du produit tout simplement? C'est à vous de savoir faire en fait la différence entre les deux. Si nous étions au cours d'une session Zoom, j'allais mettre en pause et puis je vous demande, allez-y, que chacun me dise selon lui, quelle est la partie de mon exemple qui correspond en fait à chaque avantage. Et là, vous allez me dire que quand on parle de genre depuis gagner du temps précieux grâce à la tonde rapide et sans effort en fait par notre tondeuse, tout ça. Ça c'est l'avantage du produit, hein? Gagner du temps précieux grâce à l'attente rapide et sans effort offerte par notre tondeuse TurboCut 3000. Ça, c'est l'avantage du produit, tout simplement. Maintenant, quand on vient sur son système de ramassage haute capacité, vous évite de vider le bac fréquemment, simplifiant ainsi l'entretien de votre pelouse. Là, on se rend compte que c'est l'avantage du produit dans la vie du client. Est-ce qu'on se comprend? On s'est compris? Là, c'est faux. Si c'est que vous êtes d'accord avec mon exemple, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que, je vous ai dit, moi j'ai fusionné les deux. Si réellement vous avez compris, vous n'auriez pas été d'accord en fait avec ce que je viens d'affirmer. Parce que ici, je relis l'exemple. Gagner du temps précieux grâce à l'attente rapide et sans effort offerte par notre tondeuse TurboCut 3000 points. Son système de ramassage haute capacité vous évite de vider le bac fréquemment, simplifiant ainsi l'entretien de votre pelouse. Je vais dire quoi par là? On va identifier ensemble maintenant les avantages du produit dans la vie du client. On a gagné du temps précieux. Gagner du temps précieux. Cette partie-là, c'est déjà un avantage du produit dans la vie du client. On a sans effort, qui est un avantage. En fait, il faut en fait que vous écriviez pour bien comprendre en fait ce que je suis en train de dire. Sans effort, qui est un avantage aussi. On a le système qui est de haute capacité. Voilà, la partie vous évite de vider le bac fréquemment. Vous évite de vider le bac fréquemment. Ça, c'est l'avantage aussi du produit dans la vie du client. Et enfin, simplifiant ainsi l'utilisation de votre pelouse. Pardon, simplifiant ainsi l'entretien de votre pelouse. Ça, c'est aussi un avantage dans la vie du client. Tout le reste, c'est des avantages du produit. Tout le reste, ou bien le reste, c'est l'avantage du produit. Et puis, je vais dire quoi par là? Vous n'êtes pas obligé de choisir un même nombre d'avantages. C'est pas parce que, on a dit avantages et avantages qui sont ensemble, qu'il faut, parce que lorsque vous allez trouver trois avantages pour ceci, vous êtes obligé de trouver aussi trois avantages pour l'autre. Non, vous pouvez trouver trois pour un et puis trouver un pour l'autre. Anyway, vous voyez, ben moi, j'ai fusionné quand même pour ne pas avoir un truc hyper long. Et c'est aussi une façon, si pour ceux qui sont, pour ceux qui ont peut-être eu une analyse rapide, mais pourquoi il a fusionné alors qu'il nous demande genre, de faire pas à pas. J'ai demandé de faire pas à pas, oui, mais la fusion ici, c'est pour rendre ça un peu plus professionnel en fait. Ça, c'est ma manière de travailler que je viens de vous inculquer d'une certaine façon. Quand nous venons à l'utilisation et l'application, vous savez, ici, à ce niveau, il faut tout simplement décrire comment le produit peut être utilisé dans la vie quotidienne de l'utilisateur. Je l'ai dit en haut. Ici, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous devez fournir des exemples concrets de situations où le produit serait utile. Vous voyez, on a utilisation et application. Le premier point, c'est l'application. Le second, c'est l'utilisation. Au niveau de l'application, on a dit de décrire comment le produit peut être utilisé dans la vie quotidienne de l'utilisateur. Et dans le deuxième point, on nous dit de fournir en fait des exemples concrets de situations en fait où le produit serait utile. Utilisation et application. Mais ici, si on va suivre, si on va suivre le qu'on appelle l'exemple, on aura utilisé la tondeuse TurboCut 3000 pour obtenir une pelouse parfaitement entretenue en un rien de temps. Point. Qu'il s'agisse d'une petite cour ou d'un grand jardin, cette tondeuse polyvalente vous garantit une coupe uniforme et professionnelle. Ça, c'est mon exemple. Dans mon exemple, il y a l'utilisation, il y a l'application. Il y a l'utilisation, il y a l'application. L'application, comme on l'a dit, c'est c'est genre de montrer, en fait, c'est de montrer des exemples concrets de situations. Donne-moi l'exemple là, où est la situation? Et où est et la façon dont le produit a été utilisé? Donc, lorsque vous regardez en fait ces deux exemples-là, pardon, lorsque vous regardez cet exemple-là, vous pouvez identifier quelle est l'utilisation et quelle est l'application. Et donc, à vous de faire le bon matching, l'utilisation et l'application. C'est deux choses différentes. Je le répète, l'utilisation et l'application, c'est deux choses différentes. Dans ce premier temps, vous décrivez comment le produit peut être utilisé dans la vie quotidienne de l'utilisateur. Et dans un second temps, vous fournissez des exemples concrets de situations où le produit serait utile. Ça, c'est l'application. Le premier, c'est l'utilisation. Exemple, je viens de le dire. Je n'ai plus besoin de me répéter par rapport à ça. Le sixième point, témoignage ou avis. Témoignage ou avis. Ici, vous devez tout simplement inclure des citations ou bien des témoignages de clients satisfaits qui ont utilisé le produit. Simplement, vous mettez en avant des expériences positives, pas négatives. Positives, only positive. Positive vibes only. Positive comments only. Vous mettez en avant les expériences positives et les résultats obtenus. Par exemple, Sophie, virgule, une cliente enthousiaste, déclare: la tondeuse TurboCut 3000 a transformé ma corvée de tonte en une tâche rapide et agréable. Je suis impressionné par sa performance exceptionnelle. Lorsque moi je dis ça, par exemple, c'est que c'est quelqu'un qui a déclaré, c'est un commentaire de quelqu'un que moi j'ai remis en fait à ma description pour pouvoir encourager le client a acheté. Vous voyez? Et le septième point sera la comparaison avec d'autres produits. Comme je vous l'ai dit, ne pas dépasser trois produits limite, c'est déjà bon. Mais il faut les comparer en fait à des produits qui sont capables de rivaliser ou bien des produits meilleurs aux produits en fait que vous êtes en train de vouloir proposer en fait aux gens. Donc, pour la comparaison avec d'autres produits, qui est le septième point, vous devez identifier en fait les points forts de votre produit par rapport à la concurrence. Parce que votre produit, il a toujours bien forcément un avantage par rapport à d'autres. Vous pouvez même à ce niveau, même un peu mentir. Hein. Vous pouvez un peu mentir à ce niveau. Donc voilà, j'ai envie d'identifier les points forts d'abord de votre produit par rapport à la concurrence. Et ensuite, maintenant, vous montrer en quoi votre produit se démarque des autres produits. Exemple, contrairement aux tondeuses traditionnelles, la TurboCut 3000 offre une coupe plus large et une capacité de ramassage supérieure, vous permettant de tondre plus rapidement et avec moins de passages. Ça veut dire que, au lieu que l'utilisateur, mais le client, il passe, il repasse la même partie, genre pour. Non, en une fois, c'est bon. Ici? La différence, elle n'est pas faite avec deux ou trois produits. J'ai résumé tout. J'ai dit contrairement aux tondeuses traditionnelles. J'ai dit traditionnelles pourquoi? Parce que en gros, j'ai parlé de révolution. C'est-à-dire que c'est carrément une autre nature ou une autre génération de tondeuses. C'est pour ça ici je suis venu parler de contrairement aux tondeuses traditionnelles. Genre de là, j'ai écarté la concurrence genre de toutes les tondeuses en quelques mots. Et oui, c'est du travail pour en arriver là. Et donc, l'exemple, c'est, voilà, contrairement aux tondeuses traditionnelles, la TurboCut 3000 offre une coupe plus large et une capacité de ramassage supérieure, vous permettant de tondre plus rapidement et avec moins de passages. Le point numéro 8, c'est l'appel à l'action. Donc, vous terminez forcément en encourageant le prospect à agir en mettant en avant les étapes à suivre pour acheter en fait votre produit, obtenir plus d'informations et par la suite vous allez fournir des liens, des coordonnées ou bien des directives claires. Mais dans le CTA, il y a toujours un mot ou bien des groupes de mots clairs qui demandent expressément au client quoi faire. Exemple, prêt à transformer votre façon de tondre la pelouse. Ça, c'est façon interrogative, si vous la mettez comme ça. Vous pouvez même la mettre de façon négative, mais pour savoir comment tourner le négatif, pour dire en fait au client que vous êtes en train de parler dans un sens positif. Prêt à transformer votre façon de tondre la pelouse, rendez-vous sur notre site web pour commander dès aujourd'hui la tondeuse à gazon électrique TurboCut 3000 et profiter d'une pelouse impeccable sans tracas. Tout simplement. Ça peut être aussi achète vite ou bien commande vite ou bien il ne reste que j'ai encore quelques articles et tout. Et puis voilà, on met la pression, mais oui, achète vite, commande vite, rapidement. Je vois des mots assez short, like this. C'est possible. Ça marche aussi. Donc, un appel à l'action, c'est vraiment des mots forts qui demandent aux gens de faire des choses en fait. Donc, voilà. Et puis à la fin, bon, nous allons mettre le lien du produit et puis j'en peux que la personne puisse cliquer pour être redirigée vers Amazon. Et puis, pour vous rafraîchir la mémoire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le client ne soit pas étonné d'être redirigé sur Amazon? On l'a dit dans la généralité. Donc, vraiment, voilà le processus détaillé pour chaque point. Et maintenant, vous pouvez maintenant créer une description de produit parfaite, complète, informative et convaincante. Voilà, là maintenant vous avez toutes les informations. Maintenant vous pouvez maintenant commencer en fait à rédiger des fiches produits, à rédiger des descriptions pour les clients. Vous pouvez déjà commencer en fait à rédiger les descriptions pour vendre vos produits. Là maintenant on peut là dire que voilà, vous êtes déjà pleinement dans l'e-commerce, vous êtes déjà e-commerçant. Parce que c'est à ce niveau en fait que ça se joue. Lorsque on joue un peu là, on jongle, on finit, on passe à la publicité. On passe maintenant au développement des stratégies. Puis bon, voilà, là-bas aussi c'est autre chose. Mais s'il y a un gros travail qui se fait, limite c'est au départ moi je prenais 3-4 jours pour finir en fait de rédiger mes fiches produits. Ça doit être naturel, ça ne doit pas être robotique, ça ne doit pas être non. Parce que si vous confiez en fait à une IA, genre de vous faire ça, ça ne sera jamais la même chose. Et puis ça n'a jamais marché. On a testé, ça n'a jamais marché. Jamais. Si vous voulez, vous pouvez aussi tester. Ça n'a jamais marché. C'est forcément vous-même. Par rapport à chaque point, vous savez quoi dire. Vous mettre à la place des gens pour rédiger des descriptions naturelles. Donc, je pense que c'est ici que s'achève la deuxième dimension de la description qui vous fait devenir, disons, e-commerçant vraiment hein. Donc voilà, félicitations déjà à vous pour ce pas. C'est parce que après ça il ne reste que la publicité et puis c'est fini. Voilà le processus, c'est le processus ça. Donc c'est vraiment ce que chacun de nous fait au quotidien. Et puis vous voyez, et puis voilà, il y a des notifications de vente et tout, mais avant d'en arriver là, vraiment c'est le travail au niveau des descriptions. Il faut les optimiser, il faut les bons mots à chaque niveau, vraiment tout ça c'est un peu le travail. Mais lorsque vous appliquez, lorsque vous avez une certaine rigueur, lorsque par semaine vous dites tu dois rédiger minimum 15, minimum 20 fiches produits par description, enfin vraiment je me donne ce défi là, vous allez voir, vous avez la main facile pour rédiger des descriptions de façon, aujourd'hui moi j'arrive à rédiger en fait des descriptions de fiches produits en ça me prend au moins disons genre 2 heures. Mon objectif en fait c'est de le faire en 30 ou bien en moins de 30 minutes. Là, je suis passé de 3-4 jours à 2 heures maximum. Disons 1h30, 2 heures. Mais mon objectif, en fait, c'est de faire 30 ou moins de 30 minutes, en fait. Vous voyez, donc, plus tu as la même, plus c'est rapide, plus tu es plus productif. Tu passes rapidement d'un produit à l'autre. Tu as la possibilité de promouvoir plusieurs produits. Et puis, tu as la chance de tomber sur un bon produit. Mais si toute la semaine sur un seul produit, toi tu es et tout, alors que l'autre il teste un produit 2, 3, 4, 5, il a forcément plus de chances de tomber sur un produit qui va lui marcher en fait que tes produits. Donc vous voyez, c'est vraiment des points qui se ressemblent. Surtout à partir du point 4, on te dit avantage et avantage. Au point 5, on te dit utilisation et application. Même ici, même au niveau de l'application et utilisation, on peut même confondre ça encore avec des avantages. Vous voyez, donc il faut vraiment faire attention. Parce que comme on te dit, application, On dit que le truc, genre que c'est parfait pour obtenir une pelouse bien entretenue. Ça peut être un avantage, non? Mais ce n'est pas un avantage. C'est l'utilisation. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des termes, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, pour ne pas les mélanger, pour ne pas les mettre X à la place de Y, faut vraiment travailler là-dessus. Parce que si vous ne travaillez pas dessus, c'est pas la peine, en fait. C'est pas la peine. Donc, nous voici, en fait, à la fin de la deuxième dimension de nos fiches produits. Nous allons passer à la troisième dimension, la dimension, je trouve, dimension bonus que j'ai dit que je vais vous donner. Des astuces pour réussir en fait chaque partie. Ça, c'est personne ne vous donnera ça. Vous n'avez pas trop